Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'ABBA. Bonsoir, monsieur Melon. Salut Grigoula. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre saga planétaire. On est parti pour voyager de façon assez brutale, mais toujours catchy. Et on commence par Torch avec un premier extrait, premier single dans leur album qui sort le 24 avril sur Volcom Records. La marque de fringues, et oui, qui a un sorte de label de disque, hein, c'est même pas une sorte. L'album s'appelle Harmonic Craft, et si l'album est de la même teneur de ce Kicking, je vous dis, ça va être l'album de l'été. Torch, dans le secret du son d'ABBA. Torch dans le secret du son d'ABBA avec le retour des Floridiens, avec un petit passage avec un EP qui avait été vaguement décrié, que moi j'avais bien aimé, qui n'était pas évidemment à la hauteur de leur précédent album, mais quand même, c'était retrouvé en trio. Et là, ils sont de nouveau en quatuor et je pense que ça leur fait le plus grand bien. Vous avez remarqué, hein, ces riffs monstrueux, costauds, hyper poppy, ultra catchy, ça sent le soleil, et en même temps, une sorte de pseudo-lourdeur, et en même temps, ces refrains un peu shoegaze, vraiment. Torch. Ils ont un truc à eux, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment, ils défoncent tout. Pour autant, quoi. Les avait vus en concert, en trio, ça donnait bien. Hein. Enfin, ouais, moi, j'ai pas de bon souvenir. C'était très très bon. Et, mais là, voilà, vraiment, Harmonic Craft, ça sort le 24 avril. Et autant vous dire, on l'attend de pied ferme. Ce premier single, ben voilà, il est vraiment assez bandant. Donc, on va poursuivre avec un album aussi très attendu et qui est aussi une réussite, mais. Tout le monde nous en parle, donc on va pas s'étaler. C'est le nouvel album de Papier Tigre, il s'appelle Récréation. Il sort évidemment chez African Tape et sur Murai Music. On va écouter le morceau Wandering Cage. Un album toujours pop noisy, nerveuse, un peu mat, un peu... toujours émo, voilà, toujours finement ciselé. Le gros point fort de cet album, c'est une avancée sur le chant. C'était un peu le point faible des précédents albums où il chantait tout le temps l'ami, et des fois ça a du mal à faire respirer la musique. Et là, pour le coup, il y a un nouvel équilibre qui se trouve sur cet album, qui est vraiment un putain d'album, vraiment très très chouette, et je vous voilà, que je vous conseille vivement. Tout le monde le dit, je vais pas être plus royaliste que le roi, mais c'est vrai, c'est une réussite, et ça sonne, les compos sont vraiment hyper bien foutus. Ils vont traverser la France de long en large, il faudra pas les louper parce que c'est l'une des meilleures formations rock française. Et on écoute Papiétique dans Le Secret du Son d'Abba. We'll be right back. L'Isabeau dans le secret du son d'Abba. Enfin l'Isabeau. Bah ça fait 4 mois qu'on essaye de le passer ce morceau. On a réussi en ce jour du printemps, sacre du printemps. Avec le morceau Remenik Gabeko Filma tiré de l'album Animalia Lostatuen Puzua, excusez-moi ami basque, sorti sur le label Pitewoods fin 2011. 4 mois qu'on essaye de passer l'un des albums de 2011. Il faut du temps. C'est compliqué la technique. Et voilà, un des grands albums de 2011, c'était cet album de l'Isabeau, comme l'avaient été les précédents. Voilà, c'est-à-dire que c'est une grande formation rock européenne. Ils sont basés à Irun. Ils sont extrêmement rares. Ils sont inconnus de chez inconnus. Ils tournent peu, voire quasiment pas. Et ce sera peut-être le concert de l'année. Ça sera, il y a de grandes chances que ce soit le concert de l'année. Ils sont fortement attendus. Ils vont faire une petite tournée française. On a la grande chance de les voir le 5 avril à Rennes pour les 15 ans de l'émission de Kérosène avec les excellents Peter Carnell, entre autres. Gros lobbying de l'équipe de Kérosène K-Fuel sur ce coup-là. Bravo. Voilà. Mais bravo, les gars. Vraiment très très belle soirée. Bravo les gars. Et voilà, que dire, que je vous invite tous à aller voir l'Isabeau. Je pense qu'il y a, pour rejoindre l'ami Gwen, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes aussi importants dans les années 2000 que l'Isabeau. Pour ce mélange vraiment parfait entre rock de Sonic Youth, l'emo hardcore, le post-hardcore des années 90 américains, la sensibilité très européenne, les distorsions un peu abruptes de Dighty Guns qui parachevaient les travaux de Sonic Youth de New Yorkais. Vraiment, je pense que l'Isabeau, c'est vraiment une formation qu'il va falloir voir absolument. Les rares personnes qu'on connaît qui les ont vus en concert parle de concerts phénoménaux. Alors voilà, ça va être compliqué, il va falloir oublier tout ça et y aller la tête légère et fraîche, mais voilà, on sait que l'Isabeau, c'est pas une formation anodine, c'est l'une des rares formations qui fait vibrer beaucoup de gens en Europe. On n'oubliera pas les collaborations, la bonne collaboration complètement géniale, et cet album avec ce morceau avec Michel Clou de Diabologum Experience qui était génial. On pourrait faire une émission entière sur cette formation d'Irun. Malheureusement, il parle pas français. Il parle vaguement espagnol. Donc, autant vous dire, c'est des basques pur jus. Voilà. Toute la discographie est juste géniale. Il faudra pas les louper. C'est 5 avril à Rennes. Il y a, je crois, le 7 avril à Toulouse. Il y a d'autres dates. Cherchez bien. Il faut pas les louper. Je défends rarement un groupe comme ça, mais là je pense qu'il y a vraiment un chouette moment à voir. Et juste avant, c'était nos amis Papédic, beaucoup moins rares, mais tout aussi charmants. On poursuit et on quitte. On va rompre un peu le charme là. Non, mais on va rester dans la confidence. Hein. Tu disais que, à juste titre, que l'Isabeau était trop rare. Force Publique Congo l'est doublement avec ses tirages à 59 copies. Puisqu'on va diffuser, un enregistrement donc extrait d'une cassette tirée donc à 59 copies. C'est le Civil War Follows Colonization. Donc Force Publique Congo son travail de dénonciation forcenée des ravages de la colonisation, tout simplement, de la colonisation à l'aliénation des ressources, toujours le même scandale, finalement. Qui se poursuit sans cesse. Voilà, et exprimé ici avec une noirceur assez dingue, une rancœur, alors toute synthétique, hein, mais vraiment, toujours c'est menaçant, c'est suffocant, comme vous allez pouvoir l'entendre, c'est exacerbé par un son analogique bien cradingue. On a l'impression que c'est enregistré au fond d'une mine de Colombo-Tantanite, tu vois, avec le son d'une foreuse à plein régime comme seul instrument. On va s'écouter le morceau Double King, donc c'est extrait en fait c'est une série de cassettes, hein. il y en a 4 volumes, donc Civil War Follows Colonization, c'est l'Investment volume 1, le morceau s'appelle Double King et c'est sorti par le label Hospital Productions qu'on connaît pour ses enregistrements de choses assez sombres et rugueuses, de Kevin Drum à Prurient en passant par Wolf Eyes. Voilà, on s'écoute. Ça vous met direct dans voilà. Le bras là. On s'écoute tout de suite les Forces Publiques Congo. Toc. Thank you. Orage Magnétique, le bien nommé morceau qui donne son titre aussi au EP, un EP digital malheureusement uniquement, mais disponible librement, hein, de Repeat, notre ami Repeat, basé à Bruxelles depuis pas mal d'années maintenant, un rapport très très physique aux machines et au son, excellent, une espèce d'électro blippé punitive, bien vénère, qu'on imagine enregistrer à des heures tardives, c'est hyper fin, c'est... seul contre tous, comme il sait le faire, comme toujours, et comme toujours. D'inspiration Power Electronics, évidemment, White House, House Arafna, Ars Moriendi, Schlossstegal et tant d'autres sont passés par là, mais Repeat a sa manière de le faire, et c'est bien excitant et très réussi. Très amené, les choses montent, toujours complexe, mais c'est jamais trop complexé. Enfin, tu vois, c'est complet, vraiment, à chaque fois, il me bluffe, quoi. Vraiment, c'est sorti par un obscur label nommé BTK, c'est le BTK 021 Orage Magnétique. Si on ne sait pas trouver, on se rend sur l'indispensable forum Cannibal Caniche où on trouvera un lien vers cet enregistrement. On poursuit avec une autre nouveauté, un peu d'autopromotion, il y avait longtemps. Nouvel album de Microfilm, il s'appelle AF147, si je me souviens bien. Moi je suis pas très nom d'album. T'es pas très nom de morceau non plus. AF127, voilà. Il sort chez Edge Records, Migori Records, Impure Music et Theatre Records, bien sûr. Même pas mort. Et donc, c'est un nouvel album dans la continuité des précédents, je dirais. C'est-à-dire que si vous avez aimé le premier album, si vous avez aimé le deuxième album, si vous avez aimé le troisième album, vous risquez d'aimer ce troisième album. Ce quatrième, excusez-moi. Et voilà, si ce n'est, évidemment, il évolue. À chaque fois, il rajoute des choses. Je le trouve plus varié, encore plus cohérent. C'est ça qui est incroyable. Enfin, son à la hauteur de leur compo. Vraiment, ils sont allés en studio. Vraiment, ça sonne. C'est vraiment terrible. On va écouter le morceau Carnival. Cerise sur le gâteau, il y a eu un mastering vinyle qui fait la différence. Vraiment, là, c'est un double vinyle. L'artwork est magnifique. Voilà, il faut pas les rater en concert. Ils vont jouer partout. Là, j'y ai déjà, au moment où je vous parle, il y a déjà 10 dates qui sont calées. Ça va continuer, ça va tomber. Autant vous dire, ce nouvel album du Microfilm est vraiment une réussite. Les esprits chagrins vont trouver peut-être trop produit. Eh ben non, au contraire, je dirais que c'est enfin le son qui mérite. Et évidemment, ils y perdent que dalle. Microfilm dans le secret du son de bas. We'll be right back. Le grand disque de ce début d'année, pour moi, c'est Narrows, et ce nouvel album qui s'appelle Painted, sorti sur Death Wish Records, leur hardcore métallique, vaguement primaire, extrêmement pointu, avec des mélanges des genres, aux influences multiples, et pour cause, le line-up est terrible, ex-membre de Undertow, ex-membre de Butch, ex-membre de Blablabla, Blue Atenion, vraiment, on a la crème. J'avais moins suivi la discographie de Blablabla. Ouais. Tu nous en reparleras dans une prochaine émission. Crème du post-hardcore américain des années 90, début 2000. Narrows s'impose avec ce deuxième album. Vraiment comme l'une des meilleures formations du genre, en tout cas à mon goût. En 27 minutes, top chrono. C'est un album très ramassé. Et finalement, il dit tout en 27 minutes, comme je l'aime dans ce genre de musique. Il faut les écouter, les morceaux. À chaque fois, je découvre des choses. Il y a le dernier morceau qui s'appelle SST. Et pour cause, vraiment, on est dans cette forme de clin d'œil à toutes les formes originelles du hardcore. Et on pense bien évidemment à Black Flag. Mais on est en 2012. Et donc, évidemment, il y a tout ça qui est complètement... ingéré et qui fait que vraiment on arrive à quelque digérer. Chose et digérer et qui fait un album vraiment très réussi finalement sur 8 morceaux très variés mais aussi très cohérents. C'est un peu comme l'album de Microfilm, on arrive à des groupes qui arrivent vraiment à avancer tout en sans renier leur passé, tout en utilisant leurs influences d'aujourd'hui, etc. Vraiment, c'est vraiment très réussi. Et voilà, je vous le conseille vivement. On va pas repasser parce que c'est déjà le deuxième extrait. Il n'y a qu'un morceau, autrement on risque de passer tout l'album. Mais je vous conseille tout l'album, c'est vraiment une grande réussite. C'était Narrows dans le secret du son d'abord. On passe à Shed. Rien à voir, on part à Berlin. Ah bah tiens. C'est la petite séquence électro de l'émission avec Shed, René Paulowitz. Résident berlinois. J'ai pas son état civil sous le nez. J'aime bien sa mèche en tout cas. Voilà. En tout cas, il a effectivement une sacrée mèche. Il n'hésite pas à poser en couverture de ses disques à l'image de ce EP de titre de Praetorian, publié par 50 Weapons, le label de Mod Selectors, enfin un des labels de Mod Selectors si j'ai bien compris. Shed a publié un sacré paquet de EP, plutôt d'obédience, techno moderne, une techno qui s'est nourrie des influences multiples de l'électro, de l'électronica, de l'IDM et tout ce qui s'ensuit. Moi je l'avais découvert sur le tard avec son album The Traveler, sorti sur Ostgutton, le label du célèbre club berlinois Berghain. Un album qui m'avait vraiment beaucoup séduit par sa techno très très inventive et justement inspiré tout à la fois d'Arovey No Tech ou de Basic Channel. Et là, il récidive plus avec un EP plus orienté électro que techno. On va s'écouter le morceau titre de Praetorian. Vraiment pour ceux qui justement ont aimé Arovain, Beaumont Anant, Autechre. Ça calme les noms. Voilà, c'est vrai que j'ai balancé du nom, mais vous allez voir que ça tient la route. C'est vraiment très très beau. Ça joue entre le nappage glacé et les volutes savantes, tu vois, avec avec l'art de faire venir les éléments posément, sans se presser. Tout en développement le flegme allemand, tu vois. Comme le flegme allemand sur le dance floor. C'est parti avec Shed. We'll be right back. il m'aura accompagné tout cet automne-hiver. C'est l'album Replica de 103.Never. On se souvient, Greg, de notre enthousiasme à l'écoute de son morceau piano-voix avec Anthony Egarty, un petit single. Terrible. Sorti par Eternal. Mego. Ouais, sorti par Mego. Édition Mego, qui suivait Returnal, l'album, toujours chez Magnifique. Édition Mego. Et puis là c'est sur une sous-division de Mexican Summer qui s'appelle Software Recordings, semble-t-il. C'est le label tout simplement géré par Daniel Lopatin, alias OneOtrix.Never. Voilà, donc c'est... On l'avait connu il y a quelques années pour ses envolées cosmiques, il faisait partie, il était à juste titre inclus dans la grosse scène américano-germanique spécialisée dans les néo-envolées cosmiques à base de synthé analogique, hein, sur les traces de Tangerine Dreams et tant d'autres. Et puis semblerait qu'il en ait un petit peu marre d'être associé à cette scène. Alors je dirais qu'un album qui s'appelle Replica, ça fait un peu penser à l'univers Blade Runner. Il y a quand même pas mal de choses qui font penser aussi à... C'est très Blade Runnerien quand même sur un certain nombre d'ambiances, de thèmes synthétiques sur ce disque, mais pas seulement. On rappelle que c'est Vangelis qui a fait la bande originale du film. Le meilleur album de Vangelis, c'est cette BO qu'on sait maintenant aujourd'hui est précurseur de, qui a influencé un nombre innombrable. Que je continue de trouver assez laide, mais bon. Que moi j'aime bien. C'est l'un de mes films favoris. Oui, mais pour autant, non, je ne remets pas en cause la qualité évidemment du film. Mais voilà, et donc pas seulement, j'ai envie de dire, parce que il y a aussi un art du collage qui fait penser à d'autres. Je pense à du collage, de la manipulation et puis de la déstructuration de la matière sonore. On pense à Oval, Kit 606, Terre Tamlitz aussi, hein, qui pourrait aussi être qu'on pourrait avoir en tête en écoutant ce très très beau disque. Les compos sont vraiment magnifiques. Parfois, c'est comme on l'a à l'image du morceau titre Replica qu'on vient d'écouter, c'est rehaussé de touches de piano fort à propos. C'est tout ce qu'il y a de plus romantique, limite parfois bucolique, limite pastoral par moment. Je m'emballe de là à courir tout nu dans les champs en hiver. Ouais. On y prendrait froid. On t'a vu. On prendrait très vite froid. Je me disais vraiment, les avions ils vont lui faire la peau, mais non. C'est pour ça qu'on s'éternisera pas. Et je te propose justement de prendre l'avion et de partir en Côte d'Ivoire. Bah, au Cameroun, mais c'est pas loin. Et avec Francis Bébé, voilà. Qui est décédé maintenant il y a plus de 10 ans, qui était journaliste, écrivain, qui a même été directeur de programme de la musique pour l'UNESCO, et qui a été donc musicien à ses heures dès 74, où il a fait des petites chansons humoristiques, où il mélangeait musique africaine, roots on va dire, et découverte des premiers synthés analogiques on va dire, et il en a fait de la musique, il en a fait des petites chansons. Alors tout le monde trouve pas ça drôle. Voilà, tout le monde c'est voilà. Je vous préviens, voilà, c'est particulier. Moi j'aime beaucoup Barbade Records, le label Romainville qui sent toujours les coups avant les autres, enfin qui pour le coup est quand même dans la vague du moment, à savoir rééditer de la musique africaine des années 70, vient de compiler un peu grosso modo ses meilleurs morceaux sous le titre de African Electronic Music 1975-1982. Et on va écouter un extrait qui s'appelle Agatha. Je vous laisse écouter. Voilà, ce double album est vraiment, vraiment très, très à propos. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Voilà, et je vous laisse découvrir. C'est vraiment un personnage. Sa musique est très personnelle, on va dire. Et les textes sont savoureux. Ou pas. C'est parti. Francis Bébé, dans Secret du son là-bas. Agatha, tu mens. Je te dis que tu m'as menti. Et oui, tu m'as bien entendu, hein. aimes ton mari. Est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Hein? Hein? Hein? Hein? Ton fils là, tout le monde voit bien que ce n'est pas le mien. Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi? Hein? Tu es noir des pieds à la tête, comme moi. Alors comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qu'il soit de moi? Agatha, tu crois que je suis complètement fou, hein? Écoute, tu as bien le droit de me verser encore un peu de vin de palme et non pas de me mentir. Non, non, non, non, non. Ton enfant, ça fait plus d'un mois qu'il est né. Et il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Et toi, tu soutiens que c'est mon fils, ça. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils. Tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils. Tu le vois bien. Ce n'est pas mon fils. Même si c'est le tien. Verse-moi à boire, ça au moins c'est une bonne affaire. Oui, oui, oui, oui, oui. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, tu le vois bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. Ah, ma mère, hein. Ma mère avait bien raison, hein. Lorsqu'elle me répétait, fils, ta femme là, elle t'en fera voir de toutes les couleurs, c'est moi qui te le dis. De toutes les couleurs. Et elle a commencé par me faire un fils blanc. Et elle soutient que c'est mon fils. Et depuis plus d'un mois que l'enfant est là, il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Oh, oh, quel gros mensonge. Même là, tu me dis, Agatha, toi aussi. Ah, quel gros mensonge. Enfin, tu as de la chance, hein? Parce que c'est le roi Salomon lui-même qui m'a dit de garder l'enfant, de le considérer comme mon propre fils. Parce qu'un enfant, qu'il vienne du ciel ou de l'enfer, qu'il soit noir ou blanc ou jaune ou même rouge, un enfant, c'est toujours un enfant. Je te dis que tu as de la chance, Agatha. Mais ne viens plus me mentir, hein? Non, non, non, non, non. Verse-moi à boire. C'est tout ce que tu peux faire de bien. Verse-moi à boire. Encore un peu de vin de palme là. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale, hein. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, tu le vois bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. De toutes les couleurs. Tu m'en feras voir de toutes les couleurs. C'est ma mère qui l'a dit. Je n'ai pas voulu écouter ma mère, mais elle avait raison. Maintenant que tu as décidé de me faire des enfants de toutes les couleurs, dis-moi, le prochain, il sera comment? Un jour, tu me feras un enfant vert ici, hein? Qu'est-ce qu'on va rire? Des enfants de toutes les couleurs, Agatha. De toutes les couleurs. Seulement, il ne faut pas me mentir, hein. Quand tu fais un enfant vert, il faut dire il est vert. Ne viens pas me dire il est noir. Daniel Padden, Chip Shop, nouvel album sur Décordeur. Daniel Padden, l'un des activistes du Volcano de Beer qu'on aime à diffuser régulièrement, mon cher Grigoula, dans adore. Le secret du son d'Abba, qu'on adore. Toujours cet art de mélanger expérimentation, bricolage, déconne, poésie, folk, musique. Et alors justement, c'est tout le propos de cet album, puisque Daniel Padden a collectionné des sons d'ici et d'ailleurs. C'est l'écossais voyageur, Daniel Padden, un écossais voyageur peut-être imaginaire, puisqu'on ne sait pas si s'est vraiment promené à la recherche de ses enregistrements ou s'il les a collectionnés depuis son chez lui. Qui reste dans son Écosse brumeuse et. Non, voilà. Et de la Celtie brumeuse à l'Asie séculaire, en passant par tout un tas d'autres continents, d'autres cultures. Il s'est amusé à détourner donc les musiques folk et populaires, en vous proposant un petit peu à l'image du morceau qu'on vient de s'écouter, le Rattling Belt, des mélanges rieurs et poétiques, impertinents mais amoureux de ces cultures et de ces sonorités. Donc je vous recommande vraiment ce disque, c'est très très réussi. C'est tout juste sorti, ça. C'est tout frais. Ok, d'accord. Hein, c'est tout frais. C'est sorti chez qui, en fait, hein? C'est Décordeur, qu'on connaît pour... pour pas mal de choses sur lesquelles on fera bien de se pencher. C'est toute la liste là que je vois là. Voilà, les Machine Fabric, les Stéphane Mathieu qu'on retrouve chez lui, sur ce label, Félix Cubin est passé par là, Xela, Ensemble Économique, un nouvel album d'Ensemble Économique, je crois, sur ce que j'ai écouté là il y a pas longtemps, qui est vraiment excellent. Donc voilà, c'est un label à découvrir et un disque à se procurer en vinyle. Chip Shop sur Décordeur par Daniel Padden. On va terminer l'émission. Et on va terminer avec un peu d'ambiance et toujours de bricolage avec le Canadien d'Ottawa, Nicolas Bernier, né à Ottawa, résident à Montréal. C'est un bricoleur lui aussi. Qui n'oublie pas quand même de ne pas se perdre en circonvolution absconde et qui met un petit peu d'émotion, voire beaucoup d'émotion par moment dans sa musique, qu'on essaiera de mettre pas trop loin dans son classement de disques durs ou de discothèques, pas trop loin de Fénès par exemple ou d'artistes dans ce goût là. On va s'écouter donc un extrait d'une très chouette compile dont je crois qu'elle n'est sortie que en format digital, voire même en... Oui, c'est du FLAC. C'est Marée de hauteur diverse, sur Insubordination. C'est un label suisse, c'est sorti en décembre 2011. Il semblerait que ce soit des réinterprétations d'un album qui s'appelait Complainte de Marée Basse, tu vois, tu sauras tout. toujours sorti chez Insubordination, c'était à l'époque un album de Diatribe et Abdul Momem. je peux pas t'en dire beaucoup plus. Voilà, et c'était. Il y avait un gars qu'on connaît là, du côté du Caniche, qui s'appelle Dincise, qui était derrière un petit peu tout ça, notamment au mix et sur certains effets. Et donc cette compilation de réinterprétation, donc il y a Nicolas Bernier, et puis on notera aussi parmi les gens qu'on connaît un petit peu Francisco Lopez, qui est un des spécialistes de l'ambiance minimale et isolationniste, qui pond des morceaux plus vite que son ombre. Très belle compile en l'occurrence, voilà. Et donc c'est le morceau Crustacé Remix sur la compile Marée de hauteur diverse. Je croyais qu'il y avait le Saint-Laurent, mais je savais pas qu'il y avait la mer quand même. Et voilà, tu sauras tout. En tout cas, je vous recommande vraiment la découverte de cet artiste atypique qu'est Nicolas Bernier. On finit là-dessus, mon cher Grigoula, on se dit à bientôt. À très bientôt pour un nouveau numéro du Secret du Son d'Abba, toujours éclectique, toujours athlétique. Bonne soirée, ciao. Gata.